Et il y a un intérêt pour bientôt se dire on n'a plus notre place en tant qu'ethnologue dans ces pays, parce qu'on a été au fond, volontairement ou involontairement, l'instrument de la colonisation. Et donc, il y a eu ce qu'on appelait à ce moment-là le mouvement, ça a démarré, mais ça s'est renforcé après, de ce qu'on appelait l'anthropologie ou l'ethnologie rapatriée. C'est-à-dire, on s'est mis à travailler sur sa propre culture. Alors, vous avez eu le développement de l'anthropologie urbaine, l'anthropologie politique, etc. C'est-à-dire, bon. Et donc là, on est au début de ça. Et Jean est dans ce mouvement-là. Et donc, il commence par une thèse sur la domination culturelle. Il y a l'éclatement de la. Les derniers enregistrements, vous m'avez demandé quel était le bruit qu'on entendait, ben c'est le bruit des balles. On vivait les fenêtres ouvertes pour pas que nos vitres sautent. On était au milieu. Donc, il arrête. Et quand il rentre en France, il va travailler sur la France, sur la mémoire des ouvriers de Givors, sur le monde ouvrier, l'anthropologie du monde ouvrier, l'anthropologie du monde urbain, l'anthropologie culturelle en ville, mais bon, le Liban, c'est terminé, quoi. Oui, vous faites référence à cet enregistrement où donc on entend C'est le bruit Bruno, des balles, Bruno, oui. oui, suite à l'entretien qui a été mené entre Alain Batteguet et Bruno Mettral. On entend des bruits d'explosion, mais il y a aussi la télévision libanaise qui parle qui fait intervenir des représentants de partis politiques qui demandent que cessent les bombardements et qui mentionne également, enfin, qui essaye de rassurer la population libanaise sur la sécurité, sur l'hygiène de l'eau aussi. Ben, c'était le début, voyez, c'est ce qu'on appelait les premiers rounds, parce qu'on fonctionnait par round, premier round, deuxième round, parce qu'il y avait des moments où c'était très intense, et puis il y avait des accalmies pendant 2, 3 jours, ou pendant, parce qu'il y avait eu des négociations, où il y avait eu des choses qui s'étaient faites, qui avaient calmé le jeu, et puis ça redémarrait. Donc nous, on a assisté au premier round, deuxième round, troisième round, après on est parti. Vous êtes parti quand? Alors les enfants sont partis fin juin, et nous on est partis. Où les enfants sont peut-être partis mi-juin même. Ils n'ont pas fini l'année, je crois. Ça s'est fermé, le lycée a dû fermer avant. Et nous, on est partis mi-juillet. De toute façon, on avait fini notre contrat. Et vous êtes. Puisqu'on avait fait un contrat de 3 ans, renouvelable une fois. Donc on avait fait 6 ans. De toute façon, on partait. C'était de toute façon notre départ. Mais la guerre, ce qu'elle a causé, c'est la fermeture de l'école des lettres. C'est-à-dire que l'école des lettres ferme et elle ne rouvrira pas. Corvin va venir à Lyon, puisque l'université, l'école supérieure des lettres dépendait de Lyon, et il va être en attente de retour à Beyrouth pendant quelques mois, jusqu'à ce que soit décidé par la France, par les autorités françaises, de ne pas rouvrir l'école supérieure des lettres, le fait que cette université publique française ne se justifiait plus politiquement. Et donc, on va transformer ça en institut de recherche. Les locaux vont être utilisés pour faire un centre de recherche qui va être le CERMOC, qui va être dans les locaux de l'Institut de géographie. À l'intérieur de l'école des lettres, il y avait un institut de géographie qui était avec une bibliothèque importante. Il y avait, à l'école des lettres même, il y avait une très grande bibliothèque, mais il y avait aussi l'Institut de géographie qui était dirigé par M. Bourget à l'époque et qui était venu de Lyon et où il y avait eu des Lyonnais, une succession de Lyonnais qui était de l'université lyonnaise qui avait dirigé cet institut de géographie. Donc on en fait un centre de recherche sur le Moyen-Orient contemporain, puisque ça ne pouvait pas avoir lieu à Damas. Damas était lié aux études arabes linguistiques et à l'islamologie. Hein. Et les enquêtes, vous les avez arrêtées quand? Et donc on les a arrêtées en mai. En mai. Donc il y a eu. Donc le reste, on n'a pas repris. On n'a pas du tout repris.